Vous. Oui, vous. Savez-vous que vous pouvez écouter 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts sur une seule application gratuite ? Avec Radio Player France sur smartphone, enceinte ou en voiture, vos radios sont toujours avec vous. Radio Player France, l'appli de toutes les radios. Elle avait fait la une de l'actualité des JT du monde entier. Il faut dire que la découverte d'une très grande grotte ornée, datée du paléolithique, est rarissime. De surcroît noyée aux trois quarts par les eaux de la Méditerranée et somme toute mise au jour dans des conditions rocambolesques. Toutefois, peu à peu, au cours des décennies, la grotte Kosker s'est faite supplanter par d'autres découvertes, notamment celle de la grotte Chauvet. Depuis 30 ans, recherche et valorisation de ce patrimoine unique ont toutefois continué. Aujourd'hui, un nouveau programme d'études est lancé par le ministère de la Culture. Pour en parler, le magazine d'archéologie de France Culture est ce soir en lien avec les grands acteurs œuvrant dans la grotte. Cyril Montoya, Michel Olive, Luc Van Rel, bonsoir. Merci d'être en ligne de Marseille et de Montpellier. Préhistorien Cyril Montoya, vous êtes conservateur régional adjoint à la DRAC Occitanie. Michel Olive, vous êtes ingénieur à la DRAC PACA et Luc Van Rel, archéologue indépendant. Tous trois travaillaient aussi au sein de l'UMR Lampéa. Le 3 septembre 1991, un plongeur déclare une découverte inattendue, une grotte ornée. Il y a urgence, la nouvelle s'est ébruitée et trois individus sont décédés en tentant d'accéder à la caverne sous-marine. C'est bien cela, Luc Van Rel ? Oui, absolument. Le 1er septembre 1991, donc deux jours avant la déclaration, quatre plongeurs pénètrent dans le long boyau qui conduit à la grotte Kosker, mais insuffisamment préparé, malheureusement, un seul reviendra vivant de cette sinistre aventure qui obligera Henri Kosker à déclarer de toute urgence le site. Alors le découvreur, c'est bien sûr Henri Kosker. Il a découvert la grotte visiblement bien avant. Oui, en plusieurs étapes. À partir de 1985, il commence à reconnaître un petit peu le long siphon d'accès. Hein. Il y a en tout le trajet sous-marin complet fait 175 mètres, dont 116 mètres dits sous surface non libre, c'est-à-dire sous lesquels, dans ces 116 mètres, il est impossible de faire surface. On est sous un plafond. Et il va donc petit à petit avancer dans la découverte de la partie sous-marine de la grotte. Et puis c'est véritablement vers juillet 1991 que les découvertes vont s'enchaîner, les découvertes des œuvres, et où Henri Kosker, avec ses amis, vont véritablement quitter la mer pour pénétrer dans la grotte de façon piétonne, hein, on va dire. On pose ses palmes et découvrir les merveilles de la grotte Kosker. Et elle sera donc déclarée le 3 septembre 1991, après ce triste événement tragique. Michel Olive, Luc Van Rel, l'entrée de la grotte est à 37 mètres de profondeur et bien sûr aura été ennoyée il y a environ 9000 ans. La grotte Kosker est sans conteste le meilleur exemple de la remontée des eaux depuis le début de l'Holocène. Oui, c'est l'exemple typique de ce qui se passe depuis l'Holocène. Lors du dernier maximum glaciaire, il y a environ 21 000 ans, le niveau de l'eau était en gros 130 mètres plus bas. Hein. À la fin de la glaciation, le niveau était à peu près à moins de 100 mètres, et ce n'est que vers 9000 que le niveau de la mer a atteint le porche d'entrée qui est à l'heure actuelle à 37 mètres de profondeur sous le niveau zéro de la mer. Michel Olive, Luc Vorel, peut-on estimer ce que la remontée des eaux a réellement détruit, notamment bien sûr l'art rupestre ? Actuellement, on a pu estimer le nombre de mètres carrés de surface accessible aux hommes qui ont été ennoyés. Sachant que dans la partie terminale de la grotte, la plus élevée, celle qui est encore atmosphérique et dans laquelle on fait les études, est intégralement ornée. Contrairement à d'autres grottes, ce qui signe sa longue durée de fréquentation, on a du mal à trouver des surfaces sans traces d'activité humaine. Donc on peut considérer que l'intégralité des zones les plus difficiles d'accès sont totalement ornées. Donc il est difficile de ne pas imaginer que les zones qui étaient en dessous en termes d'altitude, de quelques mètres plus bas, hein, jusqu'à 37 mètres jusqu'au porche plus bas, n'aient pas été ornées avec la même densité de production graphique. Et ça représente à peu près les 4/5 de la grotte en termes de surface accessible aux artistes qui ont disparu. Donc on a vraiment une petite vision de ce qu'a été l'intégralité de la grotte Koskère. Mais je dirais qu'au-delà, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que sur cette période glaciaire, hein, qui commence véritablement, pour ce qui nous concerne, entre 26 500 et 19 000 ans, le moment où les glaces se sont le plus étendues sur la planète, tout ce qu'on appelle aujourd'hui le plateau continental, qui est entre 60 et 120 mètres de profondeur sous la mer, sous les océans, hein, partout sur la planète, était hors d'eau et représentait des plaines côtières excessivement profitables. Et donc malheureusement, la grotte Koskère est aussi le témoin de ce qu'on a perdu au niveau de l'Europe en termes de vestiges possibles à étudier. Évidemment, la mer n'a pas été idéale comme site de conservation. Immergé de l'art pariétal ou même des traces de vie des hommes, c'est très difficile. Et donc, on a une vision qui est excessivement tronquée de cette période glaciaire à cause de la variation du niveau des océans. Oui, même si l'on trouve parfois des sites paléolithiques sous la mer, curieusement. À partir de 1992, deux grands archéologues, Jean Courtin et Jean Clotte, entament les recherches. Comme je le disais, peut-on penser que la grotte Koskère ait souffert de la découverte de la grotte Chauvet, notamment mieux conservée et bien sûr plus ancienne, Cyril Montoya? Oui, pour répondre à cette question, je pense qu'en fait, il y a plusieurs facteurs. Effectivement, l'un des premiers, c'est que la grotte Chauvet est bien entendu beaucoup mieux conservée et que par son ancienneté et la qualité exceptionnelle de ses représentations, elle a en fait, en quelque sorte, révolutionné, re-questionné toutes nos connaissances sur la naissance de l'art pariétal. Donc effectivement, ça a été un grand chamboulement et pour partie, une bonne partie des équipes, je dirais, se sont dirigées pour travailler sur la grotte Chauvet. Ceci étant dit, au moment de sa découverte et les premières datations qui ont été faites sur Koskère, Koskère fut pendant quelque temps une des la grotte ornée la plus ancienne datée au monde. Et en fait, en réalité, je pense plutôt que c'est surtout les difficultés d'accès à cette grotte qui a été en fait le principal problème et pas spécialement, je dirais, la découverte de la grotte Chauvet juste quelques années après. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Michel Olive, la grotte Koskère, c'est tout bien sûr une sorte d'étroit boyau avec un accès extrêmement dangereux, extrêmement difficile, qui débouche sur deux salles. Comment se présentent ces deux salles ? On peut imaginer le plan général de la grotte comme un gros un gros patatoïde plus ou moins rond. Hein. Quand on arrive dans la grotte, on débouche sur dans la salle 1 sur un vaste espace qu'il faut traverser, qui est encore sous l'eau. À l'intérieur, là, on arrive au niveau 0 de la mer. On arrive donc dans la salle 1, qui est un vaste espace avec beaucoup de concrétion et qui représente à peu près les deux tiers de l'espace de ce patatoïde. La seule particularité de la salle 2, c'est que elle est généralement hors d'eau. Le sol est le sol d'origine de la grotte. On marche sur un sédiment sur lequel l'homme préhistorique circulait. Alors que dans la salle 1, qui est très légèrement plus basse, l'eau est omniprésente. On peut circuler dans l'eau quasiment à pied sec à certains endroits. Le sol de la salle 1, lui, par contre, est concrétionné. C'est un concrétionnement qui s'est formé à partir de l'Holocène. Hein, dès que l'eau, le système de circulation de l'eau générale s'est remis à circuler, étant donné qu'il n'y avait plus de gel, une couche de calcite, un voile de calcite s'est déposé et a protégé ainsi tout ce qui est couche archéologique préhistorique. Justement, la grotte Cossière possède un étonnant phénomène. L'eau ne fonctionne pas comme des vases communicants et l'air intérieur est en surpression. Cyril Montoya, cette surpression a-t-elle pour partie préservé les peintures et gravures de la grotte Cossière ? Alors pour partie, oui et non. Alors c'est un phénomène qui est étudié par un collègue, Bruno Arfib du CEREJ, de l'Université d'Aix-Marseille. C'est un phénomène très particulier en fait qui met en pression la grotte. C'est à l'occasion en fait de tempêtes liées à ce qu'on appelle sur Marseille le labé, qui génère une forte houle. Cette forte houle va en fait générer une écume au pied de la paroi du cap. Et cette écume, qui est remplie de tout un tas de micro bulles d'air, va pénétrer dans le réseau karstique et mettre en pression cette grotte, en pression d'air cette grotte. Alors pendant une grande partie de l'année, effectivement, cette pression, elle est importante et elle permet en fait de baisser de plusieurs dizaines de centimètres le niveau d'eau de mer à l'intérieur de la grotte, à tel point que ce niveau d'eau est de quelques centimètres plus bas que le niveau de la mer à l'extérieur. Mais il arrive régulièrement, et c'est un phénomène qu'on va essayer de comprendre, et sur lequel les collègues vont prochainement continuer à travailler pour affiner toutes les données qui sont à notre disposition. On ne comprend pas pourquoi, de temps en temps, cette pression lâche, elle chute de manière brutale, et à ce moment-là, le niveau dans la grotte remonte et va ennoyer une bonne partie des parois aronnées, mais également aussi, pour partie, les sols archéologiques de la cavité. En tout cas, il n'y a aucun accès aérien pour cette grotte, il faut forcément plonger. Comment arrive l'air, malgré tout ? Par le réseau karstique. Le réseau karstique, en fait, est une sorte de gruyère avec tout un tas de petites fissures, diaclases, d'étroits petits conduits dans le réseau. Et en fait, ce sont cette écume qui est produite au moment des houles, quand la houle frappe les parois calcaires. Et ce sont en fait ces micro-bulles d'air qui vont petit à petit, par ce réseau, par toutes ces fissures, ces diaclases, pénétrer à l'intérieur de la cavité. Évoquons bien sûr cet art. L'essentiel des représentations préhistoriques serait localisé dans la première salle, Luc Van Rel ? Oui, absolument. On a surtout tout ce qui est art pigmentaire, je dirais, hein, dessin et peinture, sont essentiellement situés dans la salle 1. Dans la salle 2, on a par contre une profusion de gravures. Évidemment, c'est beaucoup plus complexe à déchiffrer parce qu'elles sont souvent imbriquées les unes dans les autres. L'espèce la plus représentée, comme assez souvent, comme presque toujours dans l'art pariétal, sont les chevaux. On a 84 chevaux en inventaire à ce jour. Peint et gravé. Peint et gravé, hein. Oui, peint et gravé. Là, je parle de peint et gravé. On a 34 bouquetins qui viennent en deuxième position du corpus. Ensuite, on a les bovinés, bisons et aurochs, 28 exemplaires. On a une quinzaine de cerfs et de biches, puisque parfois on arrive à distinguer les mâles et les femelles. On a 14 phoques. Ça, c'est exceptionnel. C'est la particularité de la grotte Cosquer. Et on va y revenir. Ce sont les animaux marins. 7 chamois identifiés, 4 poissons, 4 pingouins, 3 mégacéros, 2 antilopes saïga, un félin, un ours. On a effectivement un bestiaire très large, parce qu'on dépasse la dizaine d'espèces différentes. Hein. On est à peu près à 14 espèces différenciées, ce qui est assez exceptionnel pour le corpus d'une grotte ornée. En général, il y a moins d'espèces différentes représentées. C'est une sorte d'arche de Noé préhistorique. Ce que vous avez fait, c'est de mettre en évidence l'ensemble du corpus des œuvres rupestres de Cosquer. J'ai souvenir qu'en 1994, on ne connaissait que 200 représentations. Oui, alors ce travail n'est absolument pas exhaustif. Hein, il n'a pas la prétention de l'être. Sachant que quasiment à chaque intervention dans la grotte Cosquer, on va faire des découvertes nouvelles au niveau de l'art, des traces archéologiques aussi, heureusement, mais au niveau de l'art. Évidemment, il ne s'agit pas d'art très développé en termes de surface. Ce sont des œuvres qui sont beaucoup plus difficiles à percevoir. Et souvent, ça c'est quelque chose que l'on a identifié depuis peu, c'est que beaucoup de panneaux ont été réemployés, refaits. Et donc on a parfois la vision des vestiges des anciennes œuvres qui étaient sur ces panneaux. Vous avez combien d'entités graphiques aujourd'hui ? En inventaire, on est à 553 exactement. Cyril Montoya, quelles sont les datations de la grotte Cosquer ? Y a-t-il par exemple plusieurs périodes ? Alors, au moment de la découverte et les premières datations qui ont été réalisées juste, notamment après la découverte, en fait, montraient une distribution un petit peu binaire en deux phases, avec clairement une phase ancienne, gravecienne, qu'on peut caractériser sur le plan culturel de gravecienne, autour de 27 000 ans, et en fait, une seconde phase qui était autour de 19 000 ans. C'était un état de la recherche à ce moment-là, sur les quelques premières dizaines de dates qui ont pu être obtenues. Et c'est une chance parce que beaucoup de grottes ornées n'ont pas cette possibilité de datation au carbone 14. Aujourd'hui, on en est à peu près à une quarantaine de dates carbone 14 qui ont été réalisées au sein de la grotte. À la fois sur des échantillons qui ont été prélevés sur des entités graphiques, sur des dessins, sur les parois, mais aussi sur des charbons qui ont été échantillonnés à la fois sur des structures de combustion qui parsèment la grotte ou sur d'autres structures que l'on a pu trouver au sol. Et quelle serait l'identité de Cosquer au sein de l'art préhistorique d'Europe occidentale ? L'identité, si je peux me permettre juste finir sur les datations, en fait, l'idée c'est que donc c'est une des grottes ornées les mieux datées du monde, parce qu'il y a une quarantaine de dates, c'est assez important. En fait, actuellement, on est plutôt dans l'idée que c'est une fréquentation qui est beaucoup plus longue que les deux phases qui ont pu être déterminées et qui s'échelonne à peu près sur 12-13 000 ans, peut-être 14 à voir, à caractériser, grosso modo entre 27 000 et 16 000, 15 000 ans. Voilà. Donc on n'est plus dans cette idée de deux phases, mais plutôt sur quelque chose, une fréquentation sur une très longue période qu'il va falloir encore affiner sur les prochaines études qu'on fera prochainement. Voilà. Et ces peintres, ces chasseurs, appartiennent-ils à quelle culture appartiennent-ils ? Alors, dans l'idée, et de ce qu'on en connaît par comparaison avec d'autres grands tourniers, notamment dans le monde franco-cantabrique, je dirais, ou plutôt atlantique, pour la partie ancienne, en tout cas, elles appartiennent clairement à ce qu'on peut connaître du gravecien, hein, notamment du gravecien ancien, avec des corrélations qu'on peut faire sur le monde atlantique avec ce qu'on appelle la grotte Gargasse dans les Hautes-Pyrénées, entre autres, ou également Pêche-Merle dans le Lot. Cussac, la grotte de Cussac aussi. Cussac aussi, sur certains aspects. Sur certains aspects, effectivement. Cussac, en tout cas sur le plan chronologique, ça peut être tout à fait comparable. Et puis également, on a sur la partie un peu plus récente, sur le plan chronologique de la grotte Cosquer, qui pourrait être en fait due à des groupes humains de l'épigravecien, en tout cas de la phase ancienne de l'épigravecien, sur la base en fait des informations des sites archéologiques qu'on a à proximité immédiate de la grotte et sur les études qu'on a pu faire sur la culture matérielle liée qu'on a pu retrouver sur ces sites archéologiques. Donc sur le plan culturel, une grotte qui peut être attribuée au gravecien et à l'épigravecien qui lui succède. Cosquer serait aussi en périphérie de deux grandes aires d'art rupestre. Cyril Montoya, nous serions justement dans une sorte de zone de contact entre ces aires culturelles ? Effectivement, en fait, ce qui est assez passionnant et assez extrêmement intéressant dans l'étude de la grotte Cosquer et plus globalement quand on la positionne sur le plan d'un contexte chronoculturel et au-delà sur ce que l'on connaît sur l'ensemble des grottes ornées sur la partie française et espagnole. Ce qui se passe, en fait, c'est qu'après le gravecien, on a un dernier gros coup de froid que connaît la planète. Michel en parlait tout à l'heure, autour de 21 000, 19 000 ans. C'est là où il fait extrêmement froid, où la mer est la plus basse, à environ 130 mètres en sous le niveau actuel. Et on observe, en tout cas, une sorte de partition, en fait, culturelle qui se met en place dans le bassin rhodanien, avec à la fois d'un côté à l'est du Rhône des groupes qu'on appelle de tradition épigravecienne, c'est-à-dire qui succèdent au gravecien avec des attributs dans la culture matérielle qui sont très proches de ce que l'on connaît du gravecien, et en fait à l'ouest du bassin rhodanien, des cultures qu'on appelait des cultures d'influence atlantique ou plutôt franco-cantabrique, avec des cultures que l'on connaît sous le terme de solutréen, badegoulien, magdalénien, et qui se développent en fait en rupture complète avec ce que l'on connaît du monde de gravecien. Et donc en fait, ce secteur barodanien, ce qui est intéressant, joue un peu le rôle d'une zone de contact entre ces deux mondes, le monde oriental, méditerranéen, et le monde occidental, atlantique. Et donc, en gros, la grotte Cosquer, elle est positionnée dans cette zone tampon, au carrefour de ces demandes. Et ça va être extrêmement intéressant d'aborder les problématiques archéologiques sous ce prisme-là. Cosquer possède certains animaux marins, on a commencé à les évoquer, datés bien sûr de l'épigravecien. Une particularité, une originalité, Luc Van Rel, vous m'avez parlé de pingouins, de phoques, mais il y a encore d'autres choses ? Oui, absolument. On a effectivement des représentations d'une faune marine de climat froid, hein. Pingouins, phoques. Les poissons sont moins formellement identifiés, hein. Sont des probables poissons. Et les pour les phoques et les pingouins. Et les méduses, paraît-il. Vous auriez des méduses éventuelles ? Alors, on a des signes géométriques flabelliformes horizontaux qui pourraient être interprétés comme des méduses. Mais là, on n'a pas une certitude absolue, sachant qu'on peut trouver dans d'autres grottes des signes à peu près approchants. Donc là, il va y avoir un gros travail à faire parce que ce sont des signes réalisés en noir avec du charbon de bois. Et il y a eu du ruissellement dessus qui a peut-être modifié l'aspect général de ces signes. Et peut-être que là, on est sur une interprétation qui sera peut-être à revoir pour les méduses. Mais les phoques et les pingouins, eux, oui, clairement. Et bien sûr, ils sont des ressources alimentaires importantes et exceptionnelles dans ces périodes froides. Les œufs de pingouins étant exceptionnellement riches sur le plan alimentaire et le phoque étant une ressource qui peut être suffisante. Et puis rappelons que certains sites néolithiques d'Algérie ont livré donc des représentations de méduses. Je pense au site de Tamrit. Michel Olive, vous avez aussi trouvé d'éventuelles chimères, des sortes de figures, de personnages composites ? Oui, effectivement, il y a ce que l'on appelle des animaux composites, comme un cheval, doté d'un toupet et d'un cornage de bison. En fait, si on regarde de près, c'est un bison qui a une tête de cheval. La tête de cheval, à cette époque-là, est représentée selon une forme à peu près quadrangulaire, en forme de rectangle, alors que le bison est traditionnellement, à cette époque-là, représenté sous forme de triangle. Donc là, c'est un bison à tête de cheval, avec une crinière de cheval. Bon, évidemment, c'est quelque chose qui est complètement inventé. Essayer de comprendre à quoi cela correspond, c'est très difficile. Et bon, pour le moment, on est en train de les étudier, de les répertorier. Il y a également un cheval élan ou cheval à bois de cervidé. Tout ça, bon, ce sont des gravures, uniquement des gravures, c'est difficile à dater, c'est impossible même à dater, et ça fait certainement partie de la seconde période d'occupation, de fréquentation de la grotte, c'est la phase 2, qui est épigravecienne, voilà. Au-delà du constat, quelles sont les nouvelles problématiques de vos recherches, Cyril Montoya, en quelques mots? Bien sûr, recherche dans un état d'urgence, soulignons-le. Effectivement, c'est donc une équipe qui va se mettre en place, qui a été missionnée par le ministère de la Culture. L'idée, c'est donc une étude pluridisciplinaire avec des archéologues, des géomorphologues. L'idée, c'est de faire un constat des urgences de la cavité, d'essayer de les prioriser et notamment d'intervenir à la fois sur les parois qui sont actuellement noyées et également sur les sols archéologiques. Voilà, on est un petit peu comme des pompiers dans l'urgence pour intervenir. Et donc on va essayer de traiter ces urgences absolues sur le plan de la conservation de cette grotte exceptionnelle. Cyril Montoya, Michel Olive, Luc Morel, merci beaucoup. Pour l'occasion, je signale la parution de l'ouvrage « La grotte Cosquer révélée » par Pedro Lima aux éditions Synops, tandis que les dossiers de l'archéologie ont consacré un récent numéro à cette grotte. Il est parfois des sujets polémiques, la grotte Cosquer n'en est pas un. On s'étonnera donc des diverses pressions autour de cette émission, toutes probablement liées à des enjeux individuels. Rappelons-le, seuls les enjeux de la recherche importent le magazine d'archéologie de France Culture et ses invités. Carbone 14 était réalisé par Louise André, à la technique Éric Boisset, bien sûr, avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.